Chapitre 26. Retour au Sud. 3 heures après ce triste dénouement des aventures du capitaine Hatteras, Klaoboni, Altamont et les deux matelots se trouvaient réunis dans la grotte, au pied du volcan. Là, Klaoboni fut prié de donner son opinion sur ce qu'il convenait de faire. « Mes amis, dit-il, nous ne pouvons prolonger notre séjour à l'île de la Reine. La mer est libre devant nous, nos provisions sont en quantité suffisante. Il faut repartir et regagner en toute hâte le fort Providence, où nous hivernerons jusqu'à l'été prochain. C'est aussi mon avis, répondit Altamont. Le vent est bon et dès demain, nous reprendrons la mer. La journée se passa dans un profond abattement. La folie du capitaine était d'un présage funeste, et quand Johnson, Bell, Altamont reportaient leurs idées vers le retour, ils s'effrayaient de leur abandon, ils s'épouvantaient de leur éloignement. L'âme intrépide d'Hatteras leur faisait défaut. Cependant, en hommes énergiques, ils s'apprêtèrent à lutter de nouveau contre les éléments, et contre eux-mêmes, si jamais ils se sentaient faiblir. Le lendemain, samedi, 13 juillet, les effets de campement furent embarqués, et bientôt, tout fut prêt pour le départ. Mais avant de quitter ce rocher pour ne jamais le revoir, le docteur, suivant les intentions d'Hatteras, fit élever un cairn, au point même où le capitaine avait abordé l'île. Ce cairn fut fait de gros blocs superposés, de façon à former un amer parfaitement visible, si toutefois les hasards de l'éruption le respectaient. Sur une des pierres latérales, Bell grava au ciseau cette simple inscription « John Hatteras, 1861 ». Le double du document fut déposé à l'intérieur du cairn dans un cylindre de fer blanc parfaitement clos, et le témoignage de la grande découverte demeura ainsi abandonné sur ces rochers déserts. Alors les 4 hommes et le capitaine, un pauvre corps sans âme, et son fidèle Duke, triste et plaintif, s'embarquèrent pour le voyage du retour. Il était 10 heures du matin. Une nouvelle voile fut établie avec les toiles de la tente. La chaloupe, filant vent arrière, quitta l'île de la Reine, et le soir, le docteur, debout sur son banc, lança un dernier adieu au mont Hatteras, qui flamboyait à l'horizon. La traversée fut très rapide. La mer, constamment libre, offrit une navigation facile. Il semblait vraiment qu'il fût plus aisé de fuir le pôle que d'en approcher. Mais Hatteras n'était pas en état de comprendre ce qui se passait autour de lui. Il demeurait, étendu dans la chaloupe, la bouche muette, le regard éteint, les bras croisés sur la poitrine. Duke couchait à ses pieds. Vainement le docteur lui adressait la parole, Hatteras ne l'entendait pas. Pendant 48 heures, la brise fut favorable et la mer peu houleuse. Klaoboni et ses compagnons laissaient faire le vent du nord. Le 15 juillet, ils eurent connaissance d'Altamont Harbour, dans le sud. Mais, comme l'océan polaire était dégagé sur toute la côte, au lieu de traverser en traîneau la terre de la Nouvelle-Amérique, ils résolurent de la contourner et de gagner par mer la baie Victoria. Le trajet était plus rapide et plus facile. En effet, cet espace que les voyageurs avaient mis 15 jours à passer avec leur traîneau, ils en mirent 8 à peine à le franchir en naviguant et, après avoir suivi les sinuosités d'une côte frangée de fjords nombreux dont ils déterminèrent la configuration, ils arrivèrent le lundi soir, 23 juillet, à la baie Victoria. La chaloupe fut solidement ancrée au rivage et chacun s'élança vers le fort Providence. Mais quelle dévastation ! La maison du docteur, les magasins, la poudrière, les fortifications, tout s'en était allé en eau sous l'action des rayons solaires, et les provisions avaient été saccagées par les animaux carnassiers. Triste et décevant spectacle. Les navigateurs touchaient presque à la fin de leurs provisions, ils comptaient les refaire au fort Providence. L'impossibilité d'y passer l'hiver devint évidente. En gens habitués à prendre rapidement leur parti, ils se décidèrent donc à gagner la mer de Baffin par le plus court. « Nous n'avons pas d'autre parti à suivre, dit le docteur. La mer de Baffin n'est pas à 600 miles. Nous pouvons naviguer tant que l'eau ne manquera pas à notre chaloupe, gagner le détroit de Jones et de là des établissements danois. « Oui, répondit Altamont, réunissons ce qui nous reste de provisions et partons. » En cherchant bien, on trouva quelques caisses de pemmican éparses çà et là et 2 barils de viande conservée qui avaient échappé à la destruction. En somme, un approvisionnement pour 6 semaines et de la poudre en suffisante quantité. Tout cela fut promptement rassemblé. On profita de la journée pour calfater la chaloupe, la remettre en état, et le lendemain, 24 juillet, la mer fut reprise. Le continent, vers le 83e degré de latitude, s'infléchissait dans l'est. Il était possible qu'il rejoignît ces terres connues sous le nom de terre Grinnell, Ellesmer et le Lincoln septentrional, qui forment la ligne côtière de la mer de Baffin. On pouvait donc tenir pour certain que le détroit de Jones s'ouvrait sur les mers intérieures, à l'imitation du détroit de Lancastre. La chaloupe navigua dès lors sans grande difficulté. Elle évitait facilement les glaces flottantes. Le docteur, en prévision de retard possible, réduisit ses compagnons à demi-ration de vivres. Mais, en somme, ceux-ci ne se fatiguaient pas beaucoup et leur santé se maintint en bon état. D'ailleurs, ils n'étaient pas sans tirer quelques coups de fusil. Ils tuèrent des canards, des oies, des guillemots, qui leur fournirent une alimentation fraîche et saine. Quant à leur réserve liquide, ils la refaisaient facilement aux glaçons d'eau douce qu'ils rencontraient sur la route, car ils avaient toujours soin de ne pas s'écarter des côtes, la chaloupe ne leur permettant pas d'affronter la pleine mer. À cette époque de l'année, le thermomètre se tenait déjà constamment au-dessous du point de congélation. Le temps, après avoir été souvent pluvieux, se mit à la neige et devint sombre. Le soleil commençait à raser de près l'horizon, et son disque s'y laissait échancrer chaque jour davantage. Le 30 juillet, les voyageurs le perdirent de vue pour la première fois, c'est-à-dire qu'ils eurent une nuit de quelques minutes. Cependant, la chaloupe filait bien et fournissait quelquefois des courses de 60 à 65 miles par 24 heures. On ne s'arrêtait pas un instant. On savait quelles fatigues à supporter, quels obstacles à franchir la route de terre présenterait, s'il fallait la prendre, et ces mers resserrées ne pouvaient tarder à se rejoindre. Il y avait déjà des jeunes glaces reformées, çà et là. L'hiver succède inopinément à l'été, sous les hautes latitudes. Il n'y a ni printemps ni automne. Les saisons intermédiaires manquent. Il fallait donc se hâter. Le 31 juillet, le ciel étant pur au coucher du soleil, on aperçut les premières étoiles dans les constellations du zénith. À partir de ce jour, un brouillard régna sans cesse qui gêna considérablement la navigation. Le docteur, en voyant multiplier les symptômes de l'hiver, devint très inquiet. Il savait quelles difficultés Sir John Ross éprouva pour gagner la mer de Baffin après l'abandon de son navire. Et même le passage des glaces tenté une première fois, cet audacieux marin fut forcé de revenir à son navire et d'hiverner une quatrième année. Mais au moins, il avait un abri pour la mauvaise saison, des provisions et du combustible. Si pareil malheur arrivait aux survivants du Forward, s'il leur fallait s'arrêter ou revenir sur leurs pas, ils étaient perdus. Le docteur ne dit rien de ses inquiétudes à ses compagnons, mais il les pressa de gagner le plus possible dans l'est. Enfin, le 15 août, après 30 jours d'une navigation assez rapide, après avoir lutté depuis 48 heures contre les glaces qui s'accumulaient dans les passes, après avoir risqué 100 fois leur frêle chaloupe, les navigateurs se virent absolument arrêtés, sans pouvoir aller plus loin. La mer était prise de toutes parts et le thermomètre ne marquait plus en moyenne que 15 degrés au-dessus de zéro, moins 9 degrés centigrades. D'ailleurs, dans tout le nord et l'est, il fut facile de reconnaître la proximité d'une côte à ces petites pierres plates et arrondies que les flots usent sur le rivage. La glace d'eau douce se rencontrait aussi plus fréquemment. Altamonde fit ses relevés avec une scrupuleuse exactitude et il obtint 77 degrés 15 minutes de latitude et 85 degrés 2 minutes de longitude. Ainsi donc, dit le docteur, voici notre position exacte. Nous avons atteint le Lincoln septentrional, précisément au Cap Eden. Nous entrons dans le détroit de Jones. Avec un peu plus de bonheur, nous l'aurions trouvé libre jusqu'à la mer de Baffin. Mais il ne faut pas nous plaindre. Si mon pauvre Atterras eut rencontré d'abord une mer si facile, il fut arrivé rapidement au pôle. Ses compagnons ne l'eussent pas abandonné, et sa tête ne se serait pas perdue sous l'excès des plus terribles angoisses. Alors, dit Altamonte, nous n'avons plus qu'un parti à prendre. Abandonner la chaloupe et rejoindre en traîneau la côte orientale du Lincoln. Abandonner la chaloupe et rejoindre le traîneau, bien, répondit le docteur, mais au lieu de traverser le Lincoln, je propose de franchir le détroit de Jones sur les glaces et de gagner le Devon septentrional. Et pourquoi ? demanda Altamont. Parce que plus nous nous approcherons du détroit de Lancastre, plus nous aurons de chances d'y rencontrer des baleiniers. Vous avez raison, docteur, mais je crains bien que les glaces ne soient pas encore assez unies pour nous offrir un passage praticable. Nous essaierons, répondit Claoboni. La chaloupe fut déchargée, Bell et Johnson reconstruisirent le traîneau. Toutes ses pièces étaient en bon état. Le lendemain, les chiens y furent attelés et l'on prit le long de la côte pour gagner l'Icefield. Alors recommença ce voyage, tant de fois décrit, fatigant et peu rapide. Altamont avait eu raison de se défier de l'état de la glace. On ne put traverser le détroit de Jones, il fallut suivre la côte du Lincoln. Le 21 août, les voyageurs, en coupant de biais, arrivèrent à l'entrée du détroit du glacier. Là, ils s'aventurèrent sur l'Icefield, et le lendemain, ils atteignirent l'île Cobourg, qu'ils traversèrent en moins de 2 jours au milieu des bourrasques de neige. Ils purent alors reprendre la route plus facile des champs de glace, et enfin, le 24 août, ils mirent le pied sur le Devon septentrional. « Maintenant, dit le docteur, il ne nous reste plus qu'à traverser cette terre et à gagner le cap Warrender, à l'entrée du détroit de Lancastre. » Mais le temps devint affreux et très froid. Les rafales de neige, les tourbillons reprirent leur violence hivernale. Les voyageurs se sentaient à bout de force, les provisions s'épuisaient, et chacun dut se réduire au tiers de ration afin de conserver aux chiens une nourriture proportionnée à leur travail. La nature du sol ajoutait beaucoup aux fatigues du voyage. Cette terre du Devon septentrional était extrêmement accidentée. Il fallut franchir les monts Trotter par des gorges impraticables, en luttant contre tous les éléments déchaînés. Le traîneau, les hommes et les chiens faillirent y rester, et plus d'une fois le désespoir s'empara de cette petite troupe, si aguerrie cependant, et si faite aux fatigues d'une expédition polaire. Mais, sans qu'ils s'en rendissent compte, ces pauvres gens étaient usés, moralement et physiquement. On ne supporte pas impunément 18 mois d'incessante fatigue et une succession énervante d'espérances et de désespoir. D'ailleurs, il faut le remarquer, l'aller se fait avec un entraînement, une conviction, une foi qui manquent au retour. Aussi les malheureux se traînaient avec peine. On peut dire qu'ils marchaient par habitude, par un reste d'énergie animale presque indépendante de leur volonté. Ce ne fut que le 30 août qu'ils sortirent enfin de ce chaos de montagne dont l'orographie des zones basses ne peut donner aucune idée, mais ils s'en sortirent meurtris et à demi gelés. Le docteur ne suffisait plus à soutenir ses compagnons. Il se sentait défaillir lui-même. Les monts Trotter venaient aboutir à une plaine convulsionnée par le soulèvement primitif de la montagne. Là, il fallut absolument prendre quelques jours de repos. Les voyageurs ne pouvaient plus mettre un pied devant l'autre. 2 des chiens d'attelage étaient morts d'épuisement. On s'abrita donc derrière un glaçon par un froid de 2 degrés au-dessous de zéro, moins 19 degrés centigrades. Personne n'eut le courage de dresser la tente. Les provisions étaient fort réduites et malgré l'extrême parcimonie mise dans les rations, celle-ci ne pouvait durer plus de 8 jours. Le gibier devenait rare et regagnait pour l'hiver de moins rudes climats. La mort par la faim se dressait donc menaçante devant ses victimes épuisées. Altamont, qui montrait un grand dévouement et une véritable abnégation, profita d'un reste de force et résolut de procurer par la chasse quelque nourriture à ses compagnons. Il prit son fusil, appela Duke et s'engagea dans les plaines du Nord. Le docteur, Johnson et Bell le virent s'éloigner presque indifféremment. Pendant 1 heure, ils n'entendirent pas une seule fois la détonation de son fusil. Ils le virent revenir sans qu'un seul coup eût été tiré. Mais l'Américain accourait comme un homme épouvanté. « Qu'y a-t-il ? » lui demanda le docteur. « Là-bas, sous la neige, » répondit Altamont avec un accent d'effroi en montrant un point de l'horizon. « Quoi ? Toute une troupe d'hommes ? Vivants ? Morts ? Gelés ? Et même ?» L'Américain n'osa achever sa pensée, mais sa physionomie exprimait la plus indicible horreur. Le docteur, Johnson, Bell, ranimés par cet incident, trouvèrent le moyen de se relever et se traînèrent sur les traces d'Altamont vers cette partie de la plaine qu'il indiquait du geste. Ils arrivèrent bientôt à un espace resserré, au fond d'une ravine profonde, Et là, quel spectacle s'offrit à leur vue! Des cadavres déjà raidis, à demi enterrés sous ce linceul blanc, sortaient çà et là de la couche de neige, ici un bras, là une jambe, plus loin des mains crispées, des têtes conservant encore leur physionomie menaçante et désespérée. Le docteur s'approcha, puis il recula, pâle, les traits décomposés, pendant que Duke aboyait avec une sinistre épouvante. « Horreur, horreur » fit-il. « Eh bien ?» demanda le maître d'équipage. « Vous ne les avez pas reconnus ?» fit le docteur, d'une voix altérée. « Que voulez-vous dire ? Regardez !» Cette ravine avait été naguère le théâtre d'une dernière lutte des hommes contre le climat, contre le désespoir, contre la faim même, car, à certains restes horribles, on comprit que les malheureux s'étaient repus de cadavres humains, peut-être d'une chair encore palpitante. Et parmi eux, le docteur avait reconnu Shandon, Penn, le misérable équipage du Forward. Les forces firent défaut, les vivres manquèrent à ces infortunés. Leur chaloupe fut brisée probablement par les avalanches ou précipitée dans un gouffre. Ils ne purent profiter de la mer libre. On peut supposer aussi qu'ils s'égarèrent au milieu de ces continents inconnus. D'ailleurs, des gens partis sous l'excitation de la révolte ne pouvaient être longtemps unis entre eux. De cette union qui permet d'accomplir les grandes choses, un chef de révolté n'a jamais qu'une puissance douteuse entre les mains, et sans doute Shandon fut promptement débordé. Quoi qu'il en soit, cet équipage passa évidemment par mille tortures, mille désespoirs, pour en arriver à cette épouvantable catastrophe. Mais le secret de leur misère est enseveli avec eux, pour toujours, dans les neiges du pôle. « Fuyons, fuyons !» s'écria le docteur, et il entraîna ses compagnons loin du lieu de ce désastre. L'horreur leur rendit une énergie momentanée, ils se remirent en marche. Chapitre 27, conclusion. À quoi bon s'appesantir sur les maux qui frappèrent sans relâche les survivants de l'expédition? Eux-mêmes, ils ne purent jamais retrouver dans leur mémoire le souvenir détaillé des 8 jours qui s'écoulèrent après l'horrible découverte des restes de l'équipage. Cependant, le 9 septembre, par un miracle d'énergie, ils se trouvèrent au Cap Horsburg, à l'extrémité du Devon septentrional. Ils mouraient de faim. Ils n'avaient pas mangé depuis 48 heures. Leur dernier repas fut fait de la chair de leur dernier chien esquimau. Bell ne pouvait aller plus loin, et le vieux Johnson se sentait mourir. Ils étaient sur le rivage de la mer de Baffin, prise en partie, c'est-à-dire sur le chemin de l'Europe. À 3 miles de la côte, les flots libres déferlaient avec bruit sur les vives arêtes du champ de glace. Il fallait attendre le passage problématique d'un baleinier, et combien de jours encore? Mais le ciel prit ses malheureuses en pitié, car le lendemain, Altamont aperçut distinctement une voile à l'horizon. On sait quelles angoisses accompagnent ces apparitions de navires, quelles craintes d'une espérance déçue. Le bâtiment semble s'approcher et s'éloigner tour à tour. Ce sont des alternatives horribles d'espoir et de désespoir. Et trop souvent, au moment où les naufragés se croient sauvés, la voile entrevue s'éloigne et s'efface à l'horizon. Le docteur et ses compagnons passèrent par toutes ces épreuves. Ils étaient arrivés à la limite occidentale du champ de glace. Se portant, se poussant les uns les autres, ils voyaient disparaître peu à peu ce navire sans qu'il eût remarqué leur présence. Ils l'appelaient, mais en vain. Ce fut alors que le docteur eut une dernière inspiration de cet industrieux génie qu'il avait si bien servi jusqu'alors. Un glaçon, pris par le courant, vint se heurter contre l'icefield. « Ce glaçon, » fit-il en le montrant de la main. On ne le comprit pas. « Embarquons, embarquons !» s'écria-t-il. Ce fut un éclair dans l'esprit de tous. « Ah, monsieur Klaoboni, monsieur Klaoboni !» répétait Johnson en embrassant les mains du docteur. Bell, aidé d'Altamont, courut au traîneau. Il en rapporta l'un des montants, le planta dans le glaçon comme un mât, et le soutint avec des cordes. La tente fut déchirée pour former tant bien que mal une voile. Le vent était favorable. Les malheureux abandonnés se précipitèrent sur le fragile radeau et prirent le large. 2 heures plus tard, après des efforts inouïs, les derniers hommes du Forward étaient recueillis à bord du Hans Christian, baleinier danois qui regagnait le détroit de Davis. Le capitaine reçut en homme de cœur ces spectres qui n'avaient plus d'apparence humaine. À la vue de leurs souffrances, il comprit leur histoire. Il leur prodigua les soins les plus attentifs et il parvint à les conserver à la vie. 10 jours après, Claoboni, Johnson, Bell, Altamont et le capitaine Hatteras débarquèrent à Korsør, dans le Seeland, en Danemark. Un bateau à vapeur les conduisit à Kiel. De là, par Altona et Hambourg, ils gagnèrent Londres, où ils arrivèrent le 13 du même mois, à peine remis de leurs longues épreuves. Le premier soin du docteur fut de demander à la Société royale géographique de Londres la faveur de lui faire une communication. Il fut admis à la séance du 15 juillet. Que l'on s'imagine l'étonnement de cette savante assemblée, ses hurrahs enthousiastes après la lecture du document d'Hatteras. Ce voyage, unique dans son espèce, sans précédent dans les fastes de l'histoire, résumait toutes les découvertes antérieures faites au sein des régions circumpolaires. Il reliait entre elles les expéditions des Perry, des Ross, des Franklin, des McClure. Il complétait, entre le 100e et le 115e méridien, la carte des contrées hyperboréennes, et enfin, il aboutissait à ce point du globe, inaccessible jusqu'alors, au pôle même. Jamais, non, jamais, nouvelle aussi inattendue n'éclata au sein de l'Angleterre stupéfaite. Les Anglais sont passionnés pour ces grands faits géographiques. Ils se sentirent émus et fiers depuis le Lord jusqu'au Cockney, depuis le prince merchant jusqu'à l'ouvrier des docks. La nouvelle de la grande découverte courut sur tous les fils télégraphiques du Royaume-Uni avec la rapidité de la foudre. Les journaux inscrivirent le nom d'Hatteras en tête de leur colonne comme celui d'un martyr, et l'Angleterre tressaillit d'orgueil. On fêta le docteur et ses compagnons qui furent présentés à sa gracieuse majesté par le Lord Grand Chancelier en audience solennelle. Le gouvernement confirma les noms d'île de la Reine pour le rocher du pôle Nord, de Mont Hatteras, décerné au volcan lui-même, et d'Altamont Harbour, donné au port de la Nouvelle-Amérique. Altamont ne se sépara plus de ses compagnons de misère et de gloire, devenus ses amis. Il suivit le docteur, Bell et Johnson à Liverpool, qui les acclama à leur retour, après les avoir si longtemps crus morts et ensevelis dans les glaces éternelles. Mais cette gloire, le docteur Claoboni la rapporta sans cesse à celui qui la méritait entre tous. Dans la relation de son voyage intitulé « The English at the North Pole », publié l'année suivante par les soins de la Société royale de géographie, il fit de John Hatteras l'égal des plus grands voyageurs, l'émule de ces hommes audacieux qui se sacrifient tout entiers au progrès de la science. Cependant, cette triste victime d'une sublime passion vivait paisiblement dans la maison de santé de Stane Cottage, près de Liverpool, où son ami le docteur l'avait installé lui-même. Sa folie était douce, mais il ne parlait pas. Il ne comprenait plus, et sa parole semblait s'être en allée avec sa raison. Un seul sentiment le rattachait au monde extérieur, son amitié pour Duke, dont on n'avait pas voulu le séparer. Cette maladie, cette folie polaire, suivait donc tranquillement son cours et ne présentait aucun symptôme particulier, quand un jour le docteur Claoboni, qui visitait son pauvre malade, fut frappé de son allure. Depuis quelque temps, le capitaine Hatteras, suivi de son fidèle chien qui le regardait d'un œil doux et triste, se promenait chaque jour pendant de longues heures. Mais sa promenade s'accomplissait invariablement suivant un sens déterminé et dans la direction d'une certaine allée de Stane Cottage. Le capitaine, une fois arrivé à l'extrémité de l'allée, revenait à reculons. Quelqu'un l'arrêtait-il ? Il montrait du doigt un point fixe dans le ciel. Voulait-on l'obliger à se retourner ? Il s'irritait et Duke, partageant sa colère, aboyait avec fureur. Le docteur observa attentivement une manie si bizarre, et il comprit bientôt le motif de cette obstination singulière. Il devina pourquoi cette promenade s'accomplissait dans une direction constante, et pour ainsi dire, sous l'influence d'une force magnétique. Le capitaine John Hatteras marchait invariablement vers le nord. Ici se terminent les aventures et voyages du capitaine Hatteras par Jules Verne. Merci de votre audiolecture.